إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Nous sommes aujourd'hui réunis pour le deuxième cours concernant l'explication du livre de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, qui s'appelle lui-même « Explication de six passages de la biographie prophétique ». Donc, nous en sommes au deuxième cours. Dans le premier cours, nous avons fait une introduction et nous allons commencer directement aujourd'hui à parler du premier passage parmi les six passages que le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah a expliqué de la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Al-mawdou' al-awwal. Qissa nuzul al-wahy 'ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. وفيها أن أول آية أرسله الله بها يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله ولربك فاصبر. Le premier passage concerne l'histoire de la révélation, dans laquelle il est précisé notamment que le premier verset par lequel Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fut investi de la mission de messager est « Ô toi qui te couvres sous ton manteau, lève-toi et avertis jusqu'à la parole, et pour ton Seigneur patiente » Al-Muddathir. Donc, la première situation et le premier événement, le premier passage sur lequel le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah a voulu parler, c'est l'histoire de la révélation. L'auteur sous-entend ici la première révélation que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a reçue avant son avènement. Il n'adhérait pas à la religion des païens qui vouaient le culte aux idoles. Il s'opposait aux pratiques de son peuple. Il aimait se rendre à la montagne de Hira, dans une grotte située au sommet et qui donnait sur la Kaaba, qui donnait vue sur la Kaaba, et il y consacrait des retraites spirituelles pendant des jours et des mois, loin des hommes. Il vouait le culte à Allah tabaraka wa ta'ala, le Tout-Puissant, conformément à la religion d'Ibrahim alayhi salatu wassalam, qui n'est autre que Al-Hanifiyya. Alors qu'il se trouvait dans la grotte, ainsi, en train d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala, un ange apparut pour lui dire « Iqra, lis ». « Je ne lis pas », répondit-il. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas lire. Comme le souligne le verset de Sourate Al-Ankabut, وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ. Avant ce Coran, tu ne récitais de livres, ni tu ne le retranscrivais de ta main droite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était donc analphabète. Il sallallahu alayhi wa sallam ne savait ni lire, ni écrire. Pourtant, l'ange lui ordonna de lire, mais il répondit qu'il ne savait pas lire, qu'il ne lisait pas. C'est alors que l'ange le serra violemment avant de le relâcher et de répéter « lis ». Mais comme il donna la même réponse, il reçut le même traitement. Au bout de la troisième fois, l'ange récita « Iqra bismi rabbika alladhi khalaq » خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'homme à partir d'un caillot de sang. Lis, car ton Seigneur est bienfaisant. Lui qui a enseigné par la plume, il a enseigné aux hommes ce qu'ils ne connaissaient point. Le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mémorisa donc ces versets qui furent les premiers révélés. Dès lors, il devint par cette révélation un prophète. Après l'événement, il se rendit chez son épouse Khadija, radiallahu anha, la mère des croyants, pour lui raconter ce qui lui était arrivé. La rencontre avec l'ange l'avait tellement effrayé et affolé, cela l'avait fait trembler de peur. Il disait à sa femme, « J'ai vraiment eu peur pour moi. » »« Non, n'aie pas peur, » s'exclama-t-elle. « Allah ne t'abandonnera jamais. Tu entretiens les liens de parenté. » Tu soutiens les nécessiteux. Tu offres des dons aux démunis. Tu honores tes invités. Et tu contribues à rétablir la vérité, etc. Elle fit ainsi état de ses vertus pour exprimer qu'il n'avait rien à craindre et que Allah ne l'abandonnera jamais. Comme ceci a été rapporté dans le hadith de Bukhari et Muslim, selon Aïcha radiallahu anha. Donc Khadija radiallahu anha eut l'intelligence de comprendre que ses qualités qui sont nombreuses jouaient en sa faveur. Elle est donc la première à avoir rassuré le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, à l'avoir soutenu et à lui avoir remonté le moral après cette épreuve, le fait qu'il ait eu peur de rencontrer l'ange. La réaction de cette femme vertueuse fut extraordinaire. En entrant chez lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'écria « Couvrez-moi, couvrez-moi !» C'est alors que l'ange apparut pour la seconde fois pour lui transmettre « Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir » Ô toi qui te couvres sous ton manteau, lève-toi et avertis. Par ces versets, il fut envoyé à un peuple contrevenant et mécréant. Alors, il a été prophète et messager, car il avait reçu l'ordre de propager le message de l'islam à un peuple contrevenant. La première fois, il n'a pas été envoyé vers eux. Il a reçu la révélation. On lui demanda simplement « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé ». À ce moment, il n'avait pas la charge de la mission d'aller prêcher les Quraysh. Cependant, dès qu'il lui fut révélé « Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر. Ô toi qui te couvres sous ton manteau, lève-toi et avertis. De ton Seigneur proclame la grandeur. Tes habits purifie. Des choses impures écarte-toi. Les choses impures qui sont citées dans ce verset représentent les idoles qui sont adorées en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et c'est le passage qui nous intéresse ici. Le fait de s'écarter d'elles consiste à s'éloigner d'elles. Et quand il a dit, subhanahu wa ta'ala, dans le sens, et pour ton Seigneur patiente, en effet, il incombe de patienter car la mission qui l'attend est très lourde à supporter. Celle-ci réclame de la patience. Le premier commandement que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a reçu à travers la révélation, c'est tout d'abord l'interdiction de commettre le shirk, l'interdiction du polythéisme. La première des interdictions qu'il a dû transmettre aux hommes est de ne pas commettre le shirk, le polythéisme. Des choses impures, écarte-toi, lève-toi et avertis, comme Allah Ta'ala a dit dans le sens du verset. Contre quoi a-t-il averti? Il a averti les hommes contre le polythéisme et l'adoration des idoles. Dès le début de sa mission, la première chose qu'il lui fut demandée était de s'éloigner et de délaisser les idoles, ce qui démontre la gravité du polythéisme, car c'est la première chose interdite contre laquelle il a mis en garde. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Puis le Cheikh a dit, Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab a dit, فَإِذَا فَهِمْتَ أَنَّهُمْ يَفْعَلُونَ أَشْيَاءَ كَثِيرَةً يَعْرِفُونَ أَنَّهَا مِنَ الظُّلْمِ وَالْعُدْوَانِ مِثْلَ الزِّنَا وَغَيْرِهِ وَعَرَفْتَ أَيْضًا أَنَّهُمْ يَفْعَلُونَ أَشْيَاءَ كَثِيرَةً مِنَ الْعِبَادَاتِ يَتَقَرَّبُونَ بِهَا إِلَى اللَّهِ مِثْلَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَالصَّدَقَةِ عَلَى الْمَسَاكِينِ والإحسان إليهم وغير ذلك. Il dit, dans le sens, si tu as compris que les païens commettaient de nombreuses interdictions en ayant conscience qu'elles relevaient de l'injustice et qu'elles portaient préjudice aux hommes comme l'adultère. Donc les païens, ils commettaient des actes ignobles et des grands péchés comme l'adultère, l'usure, etc. Puis le Cheikh a dit, si tu as compris en parallèle qu'ils rendaient à Allah un certain culte par lequel ils cherchaient à se rapprocher de lui, ils faisaient le pèlerinage, le hajj, ils faisaient la umrah, ils donnaient l'aumône aux miséreux, ils étaient bienfaisants envers eux, etc. Donc, on voit que les Quraysh, ils faisaient certaines œuvres de l'islam. Mais malgré cela, malgré qu'ils faisaient, donc avant cela, les Quraysh, ils faisaient des grands péchés. Mais malgré cela, ils avaient des restes de la religion d'Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Ils faisaient le hajj, ils faisaient la umrah, ils faisaient des dons aux nécessiteux. Ce sont certes des bonnes œuvres, mais celles-ci étaient dépourvues de la condition essentielle de leur acceptation, qui est le tawhid, l'unicité pure. En sachant que les actes non accompagnés de l'unicité ne servent à rien. En parallèle, ils avaient à leur passif des mauvaises actions, dont la plus grave était le shirk, le polythéisme. Ils commettaient l'adultère. Ils pratiquaient l'intérêt usuraire. Ils tiraient grand profit des jeux de hasard. Toutes ces pratiques relevaient des grands péchés. Mais le plus grand d'entre eux était le culte des idoles, le polythéisme, avec lequel, dans leur ignorance, ils cherchaient l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala, sous prétexte que ces idoles, comme eux-mêmes l'ont dit, comme Allah l'a cité dans le Coran, nous les adorons uniquement pour qu'ils nous rapprochent d'Allah davantage. Voyez quel effet peut avoir l'ignorance sur les hommes. C'est ceux qui les poussent à prendre le vrai pour le faux et le faux pour le vrai. Le polythéisme avec lequel ils pensaient s'approcher d'Allah tabaraka wa ta'ala, eux-mêmes le considéraient comme l'unicité et le monothéisme pur. Cela nous démontre l'importance que nous devons porter à la question de la croyance, du tawhid et de l'étude de la religion en général. Puis le Cheikh rahimahullah a cité: وأعظمها عندهم أي أعظم هذه العبادات وأعظمها عندهم الشرك فهو أعظم ما يتقربون به إلى الله عندهم كما ذكر الله عنهم أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وقال تعالى فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. Donc le cheikh a dit dans le sens: la meilleure œuvre à leurs yeux s'incarnait dans le polythéisme, qu'ils considéraient comme la plus à même de les rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'indique le verset qui reprend leurs paroles en disant: nous les adorons uniquement pour qu'ils nous rapprochent d'Allah davantage. Il disait également: ils disent cela sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala révèle: ils prennent les démons pour des alliés en dehors d'Allah alors qu'ils pensent être bien guidés. Donc, selon leurs propres aveux, ils vouent le culte à des idoles, puisqu'ils affirment: nous les adorons uniquement pour qu'ils nous rapprochent d'Allah davantage. Donc, ils reconnaissent qu'ils les adorent. Cependant, ils prétextent en même temps qu'ils aspirent uniquement à travers cette adoration à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils pensent bien faire, car leur intention n'est rien d'autre que de vénérer et d'honorer Allah le Très-Haut. Ils s'imaginent que le culte des pieux, des saints, est le seul moyen de parvenir à lui, car justement, ils sont saints. Ils font ainsi allusion aux anges et aux prophètes, à l'exemple de Isa alayhi salam. Ils en font des intermédiaires entre le Seigneur et eux afin qu'ils les rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala davantage. Puis quand le Cheikh a cité le verset dans lequel il est dit dans Sourate Al-A'raf: ils prennent des démons pour des alliés en dehors d'Allah alors qu'ils pensent être bien guidés. De quelle façon ont-ils pris les démons pour des alliés en dehors d'Allah? Eux qui cherchent à l'atteindre par le biais des gens pieux, comme Isa alayhi salam, comme Uzair, ou encore par l'intermédiaire des anges. En fait, ils ne font que s'orienter vers les démons, car les gens pieux ne sont pas d'accord avec ces pratiques, et ils ne leur ont jamais demandé de les adorer. Ce sont les démons qui les poussent plutôt à adorer Isa, Uzair, les anges, etc. En réalité, leur adoration est tournée vers les démons, étant donné qu'ils satisfont leur volonté et en même temps, comme Allah Ta'ala a dit en parlant d'eux, alors qu'ils pensent être bien guidés. Ils pensent que c'est le bon chemin et qu'ils suivent la bonne voie. C'est pourquoi Allah Tabaraka wa Ta'ala prévient. Et il dit dans Sourate Al-Furqan: versets 17 et 18. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءِ ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. Dans le sens de sa parole, le jour où Allah va les ressusciter, eux et leurs idoles, il leur dira, est-ce vous qui avez égaré mes créatures du droit chemin, ou bien se sont-elles égarées toutes seules? Ils répondront, gloire et pureté à toi. Il ne nous appartenait pas de prendre des maîtres en dehors de toi, mais tu les as laissés jouir, leur père et eux, jusqu'au jour où ils ont oublié le rappel avant de devenir des égarés. Puis Allah tabaraka wa ta'ala a dit, وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. Dans sourate Saba 40 et 41, le jour où il les rassemblera tous, il dira aux anges, est-ce vous que ces gens-là adoraient sur terre? Ils répondront, gloire et pureté à toi. Tu es notre maître en dehors de toute autre divinité. Ils adoraient plutôt les djinns, auxquels la plupart d'entre eux donnaient foi. Les anges vont ainsi se désavouer et se désolidariser de ces gens-là qui les ont adorés en dehors d'Allah et avertiront que ce n'était pas eux qui les avaient poussés à agir ainsi, mais c'est plutôt leurs démons parmi les djinns et les hommes. De ce fait, ils ne faisaient que vouer l'adoration à ces démons qui était à l'origine de cette pratique. Allahu tabaraka wa ta'ala a donc innocenté ses pieux serviteurs d'être à l'origine de cet égarement. Malgré cela, ces gens-là pensent bien faire. Cela démontre clairement qu'il ne suffit pas d'avoir de bonnes intentions ou de ne pas vouloir faire de mal. L'essentiel, c'est de se conformer à la voie des prophètes et de ceux qui ont emprunté leur chemin. Les bonnes intentions ne servent à rien si on les fait suivre par des mauvaises actions. Cette excuse ne peut en aucun cas jouer en leur faveur, car Allah tabaraka wa ta'ala a pris soin d'envoyer des messagers et de révéler des livres afin de remédier à ce fléau. Puis le cheikh a dit, فَأَوَّلُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِالْإِنذَارِ عَنْهُ قَبْلَ الْإِنذَارِ عَنِ الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ هُوَ هَذِهِ الْعِبَادَاتِ. La première chose contre laquelle Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné qu'on mette en garde contre elle est le polythéisme et cette adoration justement qu'il vouait à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, avant même de mettre en garde contre l'adultère, le vol et autres. Le polythéisme est la première chose contre laquelle il faut mettre en garde, et c'est la première chose qui fut imposée au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avertir les gens contre lui. Comme en témoigne le verset « وَالرُّجَزَ فَهْجُرْ » et des choses impures, écarte-toi. Il a reçu cet ordre avant même de devoir mettre en garde contre l'adultère, l'alcool, l'usure et autres. Les musulmans furent frappés par ces interdictions par la suite, mais la première interdiction porta sur le polythéisme. Il ne lui fut pas demandé dans un premier temps de bannir les grands péchés et les pratiques ignobles qui étaient courantes à cette époque. Cependant, l'accent fut mis dès le début sur le polythéisme, sur le shirk. Quant au premier ordre que les adeptes de l'islam reçurent, il concerne le tawhid, l'unicité. Ils devaient s'y conformer avant même que ne leur fussent prescrits les salats, les prières, la zakat, le jeûne, le pèlerinage et autres. Le tawhid, en effet, constitue la base sur laquelle reposent les prescriptions de la religion. Les bonnes œuvres n'ont aucune valeur si celles-ci ne sont pas accompagnées de l'unicité. Puis le cheikh a dit: وَعَرَفْتَ أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ تَعَلَّقَ عَلَى الصَّالِحِينَ وَالْمَلَائِكَةَ وَالْأَوْلِيَاءِ وَالْأَصْنَامِ وَيَقُولُونَ مَا نُرِيدُ إِلَّا شَفَاعَتَهُمْ ومع هذا بدأ الإنذار عنه في أول آية أرسله الله بها، فإذا أحكمت هذه المسألة الأولى فيا بشراك. Le Cheikh dit: si en outre tu saisis que certains païens étaient attachés aux idoles, aux autres, aux anges, voire aux wali parmi les hommes, ces derniers avançaient comme argument la seule chose que nous leur demandons, c'est d'intercéder en notre faveur. Malgré cela, le premier verset qui fut révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam fut: mets en garde contre cette pratique. Si tu maîtrises parfaitement ce point, tu seras alors parmi les bienheureux. Donc le cheikh explique qu'à l'ère païenne, toutes sortes de cultes avait lieu dans la péninsule arabique. On y adorait les anges, on y adorait les saints, on y adorait les arbres, on y adorait les pierres, etc. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'attaqua indifféremment au culte qui était voué de toutes ces divinités et il combattit leurs adeptes sans faire de distinction entre les adorateurs des anges, des prophètes, des pieux, ou des idoles, ou des pierres, ou des arbres. Il n'y a pas de différence entre toutes ces formes de paganisme. Ils prétendent en effet, nous les adorons uniquement pour qu'ils nous rapprochent d'Allah davantage. Ils disent cela sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Ils pensaient qu'en les adorant, ils pourraient se rapprocher de leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il n'avait pas l'intention de faire du shirk. Or, lorsque des gens commettent du shirk, il n'y a pas lieu de regarder si les intentions de ceux qui s'en sont rendus coupables sont bonnes ou mauvaises. Puis quand le cheikh a dit que celui qui a bien compris, qui a bien maîtrisé ce point, il lui a dit: tu seras alors parmi les bienheureux, c'est-à-dire que si tu saisis que la première chose qui incombe d'ordonner, c'est le tawhid, et que la première chose qu'il incombe d'interdire, c'est le shirk, toutes les autres pratiques de la religion n'ont pas de valeur avec une croyance corrompue. Ce point qui est extraordinaire est malheureusement ignoré par beaucoup de gens affiliés à l'islam aujourd'hui. Si tu l'as compris, tu es alors bien heureux d'avoir acquis un savoir utile. Puis le cheikh a dit: خصوصا إن عرفت أن ما في الإسلام بعدها أعظم من الصلوات الخمس ولم تفرض إلا ليلة المعراج سنة عشر بعد حصار الشعب وبعد موت أبي طالب وبعد هجرة الحبشة بسنتين. Puis le cheikh a dit: surtout si tu sais qu'il n'y a pas de pratique plus importante après celle-ci que les cinq prières journalières, c'est-à-dire après le tawhid. Autrement dit, il n'y a pas de pratique plus importante après l'unicité que les cinq prières prescrites. Elles constituent le deuxième pilier de l'islam, juste après l'attestation de foi. Pourtant, Allah, tabaraka wa ta'ala, les a légiférées tardivement, comme il va l'expliquer lui-même, soit peu avant l'émigration à Médine. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est pratiquement resté toute sa période à la Mecque sans que la prière, sans que la salat ne soit prescrite. Celle-ci fut légiférée juste avant la hijra, la nuit de l'ascension, plus exactement. Quelle est la raison de ce retard? C'est justement pour permettre d'ancrer l'unicité dans les cœurs, car la salat, la prière, ne leur aurait été utile qu'une fois avoir pleinement saisi le tawhid. Puis le cheikh a dit, en sachant qu'elles ne furent pas légiférées avant la nuit de l'ascension, c'était la dixième année de la révélation, juste après la séquestration que les musulmans subirent dans les ravins avoisinants et la mort d'Abu Talib, soit 2 ans après l'exil en Abyssinie. Donc la prière, la salat, fut légiférée en l'an 10 de l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'occasion de l'ascension. L'histoire de la séquestration dite de Hisar al-Shi'ab, quand ils ont été boycottés dans les ravins avoisinants de la Mecque, c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à prêcher l'unicité et qu'il condamna le polythéisme. En réponse, son peuple exerça des pressions contre lui et ses compagnons. Son oncle Abu Talib prenait sa défense et le protégeait contre les nuisances de ses concitoyens. Allah tabaraka wa ta'ala mit Abu Talib au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il n'était même pas musulman. Le Seigneur subhanahu wa ta'ala le plaça sur son chemin en vue de protéger son prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa mission. À la mort de son oncle ainsi que de sa femme Khadija, radiallahu anha, il n'avait plus ce soutien qui le mettait à l'abri des agressions de son peuple. C'est alors que ses détracteurs redoublèrent d'énergie contre lui et ses adeptes. Et l'étouffement se fit encore plus ressentir. Juste avant cela, les musulmans furent séquestrés dans les ravins de la Mecque, où ils subirent un blocus. Les païens leur coupèrent les vivres et les échanges avec l'extérieur. Les habitants de la ville sainte n'avaient pas le droit de se marier avec les exclus. Cette séquestration commençait à durer et la faim se faisait sentir et tenaillante chez les musulmans. C'est à cette occasion qu'une charte fut rédigée. Elle reçut l'aval des notables de la ville et fut accrochée à l'intérieur de la Kaaba. Celle-ci formulait que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses adeptes devaient être frappés d'un blocus. Les païens profitèrent donc de la mort de son oncle pour lui faire subir des pressions plus violentes. Or, la salat, la prière, ne fut pas légiférée pour autant durant toute cette longue période qui durait depuis l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'heure était à la réforme des croyances avant tout. Lorsque la situation empira, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ordonna à ses compagnons les plus faibles de s'exiler et de faire l'égir vers l'Abyssinie, ceux qui n'avaient personne pour les défendre à la Mecque. Et il a dit qu'il y avait là-bas un roi qui ne tolérait qu'aucune injustice ne se passe dans son royaume. Bien que ce roi fût chrétien, Najashi, mais ils n'acceptaient qu'aucun de ses sujets ne subisse le moins de préjudice. Cet exil prit le nom de la première hijra, la première émigration. Il y avait dans les rangs des émigrés Uthman ibn Affan et d'autres parmi les grands compagnons. Ces derniers durent s'enfuir pour sauver leur religion. C'est au cours de cette période que Najashi, rahimahullah, embrassa l'islam après s'être entretenu avec les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et avoir entendu le Coran. C'est alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala le guida à la dernière des religions qui est l'islam. Les Quraysh essayèrent d'amadouer ce dernier en lui envoyant des présents dans le but qu'il leur livre les musulmans en argumentant qu'il s'était enfui. Cependant, il refusa de se prendre à leur jeu. Allah tabaraka wa ta'ala ne combla pas les attentes des ambassadeurs païens qui durent rentrer bredouille à la Mecque. Les musulmans restèrent ainsi sous la protection de Najashi rahimahullah jusqu'au jour où Allah leur offrit une issue. Puis le cheikh finit ce premier passage de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam par cette parole. فإذا عرفت أن تلك الأمور الكثيرة الكبيرة والعداوات البالغة كل ذلك عند هذه المسألة قبل فرض الصلاة رجوت أن تعرف المسألة بحول الله. Puis le cheikh a fini ce premier point. Si tu saisis que tous ces événements au cours desquels les compagnons subir les pires acharnements se déroulèrent à cause du dogme de l'islam et avant la prescription de la prière, j'ai bon espoir que tu en prennes la mesure et que tu t'attelles à la prendre ou à connaître cette question. Donc si tu connais ce point, autrement dit, si tu te rends compte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses adeptes subir la pression et un blocus de la part de leur peuple juste parce qu'ils ordonnaient le tawhid et ils interdisaient le shirk. Les musulmans auraient pu se contenter d'adorer leur Seigneur sans déranger personne. Les païens n'y auraient pas vu d'inconvénient. Donc ce qui les a dérangés, c'est quoi? C'est qu'ils mettent en garde contre le shirk. C'est qu'ils se désavouent du polythéisme. C'est qu'ils se désavouent ouvertement de leurs fausses croyances et qu'ils appellent au tawhid. De même, les mécréants d'aujourd'hui, ils ont des slogans du genre « le vivre ensemble » ou bien « vivons ensemble et en bons termes sans que personne ne critique la religion de l'autre ». Mais en vérité, ils sont de mauvaise foi. Car au même moment, ils multiplient les efforts contre l'islam et les musulmans. Alors que selon leurs propres principes, personne n'a le droit de s'attaquer à la religion de l'autre. Mais eux, ils ne se gênent pas pour autant de combattre l'islam avec une violence extrême. Dans certains pays, ils tuent, ils déportent les populations musulmanes. Et ils réclament en même temps de s'asseoir dans la bonne entente autour d'une même table pour discuter de nos différends. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas professé l'unicité tout en interdisant le polythéisme, il ne se serait jamais acharné contre lui. Et aujourd'hui, c'est pareil. Si le musulman ne dit pas clairement qu'il rejette toutes les croyances des mécréants, qu'il rejette leurs références auxquelles ils se réfèrent et qu'ils adorent en dehors d'Allah, s'il se plie à dire des paroles contradictoires à l'islam, alors ils ont gagné, ils vont les laisser. Ils vont les laisser faire un islam folklorique qui n'a rien de l'islam, juste l'odeur ou le goût. Car l'islam, il est basé sur l'affirmation du tawhid et le désaveu du shirk et du mushrikin. Celui qui ne peut pas proclamer cela, il n'a même pas fait la première chose par laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, Et ce pourquoi il a subi des châtiments, et pourquoi il a subi un blocus, et pourquoi ses compagnons ont été combattus, parce qu'ils insultaient leurs idoles, parce qu'ils disaient que ces idoles, elles ne font rien, parce qu'ils annulaient les croyances auxquelles leur peuple croyait. C'est ça qui a dérangé les Quraysh. Et c'est pour ça qu'ils ont combattu les musulmans. Et en vérité, l'histoire ne fait que se répéter. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم